ego poliwi versibus senaris. J'ai poli envers senare, anc materiam, cette matière, quam aesopus auctor, qu'Ésope créateur, repérit, a trouvé. Duplex dos est libelli. Un double avantage appartient à ce petit livre. Quod movet risum, le fait qu'il excite à rire, et quod monet vitam, et le fait qu'il avertit la vie. Consilio prudenti, par un sage conseil, autem siquis, mais si quelqu'un voluerit calumniari, veut me chicaner, quod arbores, parce que les arbres, loquantur, parlent, non tantum ferae, et non seulement les bêtes, mais minerit nos iocari, qu'ils se souviennent, nous badiner. Fabulis fictis, dans des récits inventés.